Chapitre 6e. Du sang dans les algues. Marcel arrive pour l'apéro du soir. Après un clin d'œil amusé, il cherche du regard Paula qu'il affectionne particulièrement et pour cause. Celle-ci fait sa sortie sur la terrasse avec sa classe habituelle. Il fait bon, hein ? Vous ne trouvez pas ? Quel calme. Allez Marcel, c'est moi qui vous sers l'apéro, vous le méritez bien. Tous les deux, vous ne buvez rien ? Dit-elle en s'adressant à Gigi et à moi d'un air amusé. Je mets mon doigt sur les lèvres pour lui signifier qu'un ange passe et qu'il ne faut pas le déranger. Soudain, sur le quai d'en face, je remarque Jean-Claude Sanchise qui fait les 100 pas, l'air préoccupé. On dirait que le retour tardif du Santa Cruz n'était pas prévu, ou qu'en tout cas Sanchise n'est au courant de rien. Il faut que j'en aie le cœur net. La curiosité prenant le pas sur l'amour, je caresse la joue de Gilda et lui murmure qu'il faut que je me lève. Elle me libère en s'étirant et j'en profite pour monter à l'étage. Coup de jumelle par les fenêtres, rien à l'horizon. Le Santa Cruz n'est pas à sa place habituelle, et d'ailleurs, il n'est visible nulle part. Il est possible qu'il soit rentré au port de Marseille ou à Martigues, Saussay ou Carry. Mais ce pauvre Sanchis fume cigarette sur cigarette et fait le pied de grue pour rien, visiblement inquiet. C'est pas bon signe tout ça. Il est arrivé quelque chose. J'ai comme ça de ces intuitions toutes féminines qui me trompent rarement. Redescendu en terrasse, je fais part de mes observations à Marcel en lui désignant Sanchis d'un coup de menton. « Viens avec moi, on va lui parler, » lui dis-je. « T'as plus peur d'être découvert maintenant ?»« Non. Avec ce qui me pend au derrière, Sanchis est le cadet de mes soucis maintenant. » Nous contournons tous les deux le port. En m'apercevant, Sanchis a l'air d'avoir rencontré le bon Dieu. Il me tend les bras en s'approchant de nous. « Putain, Volpi, qu'est-ce que je suis content de te voir. Putain !» Si je touchais 10 balles à chaque fois que Jean-Claude prononce un putain, je serais plus riche qu'un Rockefeller. « J'attends mon bateau. Il devait rentrer avec 2 copains. Mais je ne sais pas ce qu'ils foutent. Je commence à me faire du mouron. Où ils ont pu passer, putain ?» Je constate qu'il ne fait pas mystère d'être propriétaire du Santa Cruz. Et j'entends encore les paroles de Serge. « Tu fantasmes encore, Gino. » Un septuagénaire nous accoste en bleu de travail, en chemise à carreaux délavés, visiblement un ancien pescadou. « Je vous reconnais, vous, » dit-il en s'adressant à Sanchis. « Vous attendez le Santa Cruz et... vous n'êtes pas au courant ?»« Non, » balbutie Sanchis. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Cet après-midi, j'étais sur la barre de Rocher, au sud, et tout d'un coup, j'ai vu au large une grande flamme qui est montée. Une fraction de seconde plus tard, j'ai entendu une explosion, comme une bombe. C'était le bruit qui me parvenait. » Oui, parce que vous savez, le son, il arrive toujours après les images, c'est comme ça. Nous supportons mal ce cours de physique déplacé et pressons le vieux de continuer. Il y a combien de temps de ça ? Oh, 1 heure à peu près. Je n'ai rien entendu. Cela devait être quand j'ai téléphoné à Serge. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Demande Sanchis d'une voix sourde. Eh ben, je suis été à la prud'homie, je leur ai dit de téléphoner aux gendarmes et Victor et moi, on est partis avec le Zodiac pour voir si on pouvait sauver quelqu'un. Arrivé sur le lieu, oh pauvre, il y avait des tas de morceaux de bois qui flottaient sur l'eau et une grosse tache d'essence. On aurait dit qu'on avait passé le bateau à la moulinette, mais on n'a pas retrouvé de reste humain. De toute façon, ça ne flotte pas, ça, dit le vieux en se mouchant bruyamment. Sanchis est visiblement consterné. Dire que pendant que je perdais mon temps avec ce puant de camichanera, de chemise noire, il se passait quelque chose de crucial et de décisif dans l'affaire qui m'avait amené là. Avec mes jumelles, j'aurais peut-être vu ce que le vieux ne pouvait distinguer. J'aurais certainement mieux analysé l'événement. Enfin bref, je suis le roi des cons, et j'en veux doublement à celui qui m'a fait perdre des indices précieux. Vous avez cherché s'il n'y avait pas des corps qui flottaient sur l'eau ? Demande anxieusement Sanchis. Oui, nous avons décrit des cercles autour de l'épave, de plus en plus grands, mais on n'a rien trouvé. Mais regardez, t'es ! Voilà la vedette des gardes-côtes. Je file chercher mes jumelles. Dès que je suis de retour, Sanchis me les arrache des mains et scrute le large. Il ramasse les morceaux avec un salabre, dit-il en me tendant les jumelles. Je regarde à mon tour et aperçois deux plongeurs qui se jettent à l'eau. Une camionnette de gendarmerie vient se garer non loin de nous. Un maréchal des logis-chefs se dirige vers nous. Qui a prévenu la gendarmerie ? C'est moi, fait le petit vieux, tout fier. J'ai tout vu. Racontez-moi ce que vous avez vu, demande le gendarme. Le vieux pêcheur lui raconte la même histoire que celle que nous avons entendue. Nous avons tout de suite prévenu le propriétaire. Vous ne l'avez pas vu ? nous demande le gendarme en regardant à la ronde. Personne ne répond, chacun a les yeux rivés sur le large. Derrière nous, on entend quelqu'un halter. Je reconnais Agapian qui pousse péniblement sa bedaine vers nous. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous regardons, Marcel et moi, car il est clair que les autorités ont prévenu l'Arménien en tant que propriétaire et son schiste n'a pas moufté. Il a pourtant bien parlé de son bateau tout à l'heure. Je n'arrive toujours pas à comprendre, mais maintenant, je me sens de poser à Sanchez les questions qui s'imposent. Enfin, un peu plus tard, car pour l'instant, mon collègue est complètement effondré. Derrière nous, des bruits de moteur se font entendre. Ce sont les renforts qui arrivent. Nous allons commencer à inspecter la côte, d'ici jusque vers Martigues, dans le sens du courant. Un canot va longer les récifs au plus près, au cas où. Effectivement, les hommes mettent à l'eau un zodiaque au moteur impressionnant, qui prend aussitôt son essor, pourrait-on dire, tant la puissance le décolle de l'eau. L'angoisse commence et, pour tromper l'attente, notre petit groupe échafaude des hypothèses, se perd en conjectures pas tout très confortantes pour le moral. « Il y a eu explosion, vous dites ?» fait préciser le gendarme au papé. « Ah ouais, ça fait comme une bombe, pensez. J'en ai entendu des bombes pendant la guerre. » C'est vrai que si le bateau avait simplement brûlé, il n'y aurait pas eu autant de morceaux que vous le dites. « Oh, bien c'est sûr. » Et puis il n'aurait pas coulé tout de suite comme ça. Tandis que là, d'un coup, il n'y a plus rien eu sur l'eau qu'une fumée noire. Marcel place quelques mots, histoire de déstresser Sanchez. Les plongeurs n'étaient certainement pas dedans. Si ça se trouve, ils sont toujours au fond de l'eau et ne se sont aperçus de rien encore. C'est ça, mon œil, fait Sanchez en tirant sur sa paupière inférieure. On entend tout sous l'eau, surtout les vibrations. Vous racontez des conneries, putain. C'est raté pour Marcel. Sanchez est énervé. Je vais essayer autre chose pour redonner de l'espoir. Le choc les a peut-être assommés, et ils vont refaire surface dans pas longtemps. De toute façon, remarque le gendarme, les plongeurs vont bien les voir s'ils sont dans les parages. Je constate d'ailleurs qu'ils n'avaient ni bouée ni balise pour se signaler. Ça ne sert vraiment à rien la réglementation. En tout cas, il faudrait trouver quelque chose avant la nuit parce qu'après... Il ne termine pas sa phrase, mais chacun compris... Combien la suite serait lourde de conséquences. Agapian se rapproche de Sanchez, et bien qu'il lui parle à voix basse, j'entends distinctement ce qu'il dit. « T'inquiète pas, Jean-Claude, je m'occuperai de tous les papiers pour l'assurance et le reste. »« Ouais, mais les hommes, putain, tu crois que l'assurance va les remplacer? Si jamais il leur est arrivé quelque chose, j'ai plus qu'à me flinguer, tu comprends? Putain, comment il a pu exploser ce bateau? Il était neuf !» Je ne peux pas m'empêcher de mettre mon petit grain de sel pour faire avancer mon schmilblick. Il ne s'agit peut-être pas d'une explosion accidentelle. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'il s'agit d'un attentat? Mais tu déconnes ou quoi? Non, pas le moins du monde. Il faut envisager cette hypothèse. Tu te fais toujours des films, toi, Gino. Pourquoi tu veux qu'on aille dynamiter mon bateau? Le fruit est mûr, il faut le cueillir. Je sens qu'il faut que je pousse mon atout à fond. Je prends le bras de Sanchez et l'amène un peu à l'écart du groupe. Dis-moi, Tonto, imbécile, comme tu disais avant, si tu m'avouais ce que cherchaient nos collègues des douanes sous la mer de Carreau. Ma réplique lui a fait l'effet d'un coup de massue. Il baisse la tête, va s'asseoir sur un rocher, et je vois sa bouche se rétrécir et ses yeux se plisser dans l'amorce d'un sanglot. Pour couper court, il respire profondément, réfléchissant certainement à ce qu'il va me dire. Il sort une gitane et l'allume en tremblant. Putain, t'es toujours si fouille merde, Gino. Eh ben là, tu vas être servi, mon salaud. Sanchez écrase sa clope et exhale sa dernière bouffée. Je suis impatient de connaître enfin le mystère du Santa Cruz. Juste au moment où il va commencer à raconter, Agapian se pointe vers nous, haletant, en nous faisant de grands signes. Mon collègue se lève précipitamment et rejoint Agapian. Alors, fait Sanchez inquiet. Ils ont trouvé quelque chose, Jean-Claude. C'est une palme. Il est peut-être encore pas loin. Et il y en a peut-être un de blessé. Sanchez se dirige vers les dalles de rochers plats qui entrent dans la mer. Le soleil couchant embrase la surface de l'eau, la transformant en une immense plaque d'or sur laquelle se découpent les hommes. Leurs silhouettes amenuisées avancent, reculent, comme de grosses fourmis noires au travail, dans un dramatique spectacle d'ombre chinoise. Je suis Sanchez à quelques mètres, le voyant inspecter la palme trouvée. Il ne dit rien, mais ses traits se crispent pour éviter un sanglot, indiquant qu'il a déjà envisagé le pire. Agapian, à côté de moi, me glisse à l'oreille. C'était, il emploie déjà le passé, deux de ses copains d'enfance. Ça va lui faire un coup. À ce moment, à bord du canot qui se trouve à 200 mètres à peu près, un des hommes actionne une corne de brume et fait de grands gestes en montrant la côte. La moitié du groupe se précipite vers l'endroit qu'il désigne. Les premiers gendarmes arrivés hissent un corps en combinaison de plongée. Sanchez se met à courir en évitant maladroitement les trous de rochers. Je le suis, m'attendant comme lui au pire. Le corps est sans vie, mais le visage n'est pas boursouflé et les traits indiquent une ultime souffrance. Sanchez se jette à genoux et étreint le corps. « Roger, putain, Roger, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que je vais dire à Nathalie ?» Un des gendarmes écarte doucement Sanchez et tourne le corps du plongeur sur le côté. « Regardez ce qu'il a dans le dos !» fait un autre. La combinaison montre une estafilade de 4 cm de large. En écartant délicatement les bords de la déchirure, le gendarme met à jour une plaie profonde qui a dû énormément saigner. « Vous pensez que c'est un débris qui a pu le frapper et causer la blessure » dis-je. « Allez savoir. En tout cas, l'accident prend une autre tournure. Il faut prévenir le parquet. » Le gendarme appelle son chef. Une fois au courant, celui-ci retourne vers l'estafette pour téléphoner. Sanchez est resté à genoux près du corps comme s'il le veillait. 10 minutes plus tard, l'autre corps est retrouvé par les plongeurs et ramené à la côte sur le canot. Lui aussi possède une profonde blessure à l'abdomen, de la même taille que celle de son collègue. Cette fois-ci, Sanchez ne dit rien et s'appuie sur Agapian et moi pour avancer. Sans honte, il laisse couler ses larmes. De temps à autre, il murmure. « C'est pas possible. Mais pourquoi? Pourquoi ?» En attendant l'arrivée du parquet, nous traînons Sanchez vers le port. Il est littéralement effondré, comme s'il venait de perdre brutalement un enfant ou une épouse. En attendant, je propose au MDL chef d'amener Sanchez au café pour lui faire prendre un remontant. Ça ne sert à rien qu'il s'épanche sur ses défunts camarades. Je crois qu'il faut qu'il reprenne ses esprits, car il va bien falloir qu'il réponde aux questions que les gendarmes ne vont pas manquer de lui poser. Par ailleurs, j'ai beaucoup de sympathie pour ce comte pied noir, c'est comme ça que je l'appelais. Et je voudrais à la fois satisfaire ma curiosité et lui éviter éventuellement de se mettre un peu plus dans la mouise, vu l'état dans lequel il est. Il faudrait que nous fassions ensemble le point sur ce qu'il peut dire ou ce qu'il doit taire aux gendarmes et au parquet. En attendant qu'il reprenne ses esprits, je dois prévenir de toute urgence Serge. À l'évêché, je tombe sur Esposito. « Ah, commissaire Volpi, ça tombe bien que je vous ai. Il va falloir que je passe à Caro, au sujet du gars qu'on a retrouvé cramé dans sa bagnole. Quant à votre affaire, il y a du nouveau. On a retrouvé 2 plongeurs assassinés, et le commissaire Michaud s'est chargé de l'enquête à la place de Sanchez qui avait été désigné. Il vient de partir à l'instant. » Alors là, je tombe sur le cul. Mon affaire, selon Esposito, c'est le Santa Cruz et pas le Métèque carbonisé. Le parquet a fait vite et, si je comprends bien, tout le monde était au courant de l'enquête souterraine que je menais sur le Santa Cruz. Quand j'étais en activité, c'était la même chose. Tout le monde savait tout sur tout et moi, j'apprenais par le planton ou un de mes gars qu'un tel avait pris une balle dans la peau, que machin avait été promu ou que la femme de Tartampion le faisait cocu avec tout ma zargue. Il faut dire que j'étais tellement rarement au bureau que beaucoup d'infos passaient au-dessus de moi. Même la nouvelle de ma disgrâce prochaine m'avait été annoncée par un gardien. Serge a bien dû avancer une raison quelconque pour éviter à Sanchez de se retrouver jugé parti, ce que les supérieurs n'auraient de toute façon pas toléré. Gigi administre à Sanchez un double gibé en guise de consolation et lui parle avec une douceur inhabituelle. Je m'assois tout contre lui et parle à son oreille. « Alors, raconte. Libère-toi, ça ira mieux après. »« Tu ne te rends pas compte, le drame dans lequel je suis. » François et Roger étaient les copains de toujours, et ils me donnaient un coup de main bénévolement, après leurs heures de service. Je suis directement responsable de leur mort, et je ne sais pas comment je vais l'annoncer à leur femme. Ils avaient tous les deux des gosses, j'en ai fait des orphelins. « C'est un peu normal que tu culpabilises, fais-je, mais c'est quand même pas toi qui les as tués. » « Si tu me disais ce qu'il cherchait, oh, c'est une vieille histoire. » Cette fois-ci, si quelqu'un vient l'interrompre, je l'assomme. Jean-Claude respire un bon coup et commence son histoire. En juillet 61, mon père et mon oncle avaient eu des infos, comme quoi il valait mieux quitter l'Algérie tout de suite, parce que De Gaulle nous en fumait, les carottes étaient cuites. Ils ont alors liquidé leur entreprise et le plus d'affaires possible, en vendant bien en dessous de la valeur réelle. Ils avaient décidé de ramener le bateau qui nous appartenait et qui mouillait dans le port d'Oran. Il était magnifique, ce bateau, et il n'était pas question de le laisser. comme mon père et mon oncle ne faisaient pas confiance aux banques de là-bas ou d'ici, ils ont réalisé leur fortune sous forme de lingots et de pièces. Ma mère, ma sœur et ma tante sont partis en avion et nous, les hommes, nous avons traversé en direction d'Alicante. Puis on a suivi les côtes d'Espagne et du Languedoc, tout doucement, en s'arrêtant dans les petits ports pour ravitailler. Tout allait bien jusqu'à ce qu'on dépasse Martigues. C'était la nuit, il y a eu un court jus dans le moteur. Le bateau a pris feu et a coulé à une vitesse fantastique. On a juste le temps de sauver les papiers et de se précipiter dans le dinghy de sauvetage. Quand on a réagi pour le magot, c'était trop tard. J'ai cru que mon père et mon oncle allaient se suicider. Toute notre fortune était au fond de l'eau et on n'avait plus un pesos. Je sais pourquoi Sanchez et ses amis plongeaient, c'est déjà ça. Mais je l'encourage à continuer son récit. Après avoir allumé une gitane, il reprend son histoire. Il a d'abord fallu que la famille se remette à flot, car on repartait à zéro. Moi, je suis rentré dans la police, mon père a monté une petite entreprise de maçonnerie et mon oncle a fait le taxi. On avait toujours l'espoir de retrouver le pactole au fond de l'eau et dès que nous avons pu, nous avons acheté un bateau pour plonger. Il était normal pour des Oranais de baptiser le bateau le Santa Cruz. C'était le nom de la colline d'Oran au sommet de laquelle trônait une vierge noire comme la bonne mère. Mais pourquoi le bateau n'est-il pas au nom des Sanchez? J'attends qu'il ait bu un coup et je lui fais signe de continuer. Pour éviter les histoires, si jamais nous étions arraisonnés par la douane, on avait planqué le magot dans une cage du bateau avec les certificats de propriété. Nous avons fait une déclaration auprès des assurances pour la perte du bateau. Mais pour l'instant, nous avons touché que dalle et on est toujours en procès parce qu'ils nous accusent d'y avoir foutu le feu exprès pour s'en débarrasser. Tu parles. Quant au magot, on s'est bien gardé de dire quoi que ce soit. Mais pourquoi? Tu n'as jamais entendu parler de l'article 716 du Code civil? Vaguement, mais qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit que la propriété d'un trésor appartient à celui qui le découvre dans son propre terrain. Si le trésor est trouvé dans la propriété d'autrui, or ici c'est l'État, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert et pour l'autre moitié au propriétaire du lieu. Hein, ok. 50% d'impôts, tu préférerais éviter. Bien sûr, sans compter les explications à fournir. C'est pour ça qu'on a préféré mettre le bateau à un autre nom au cas où. Moi, pour l'instant, le problème le plus urgent, c'est d'annoncer la mort de mes amis à leurs épouses. Le reste, on s'en occupera plus tard. Vous vous rendez compte que ça ne peut même pas passer pour un accident du travail? Elles vont se renouer avec la moitié de la pension. Putain, comment on va faire? Visiblement, Sanchez n'est pas en état d'envisager les causes de la mort de ses copains. Je suppose qu'elles ne sont pas évidentes pour lui. Sinon, il en aurait parlé tout de suite. Il se tourne vers Gigi et lui prend la main. Vous êtes une chic fille, vous. Gino a bien de la chance. N'auriez pas une aspirine? J'ai l'impression que ma tronche va exploser. Au passage, je note que malgré son chagrin, Sanchez a compris les relations du groupe qui l'accueille, ou alors, lui aussi avait des infos que je ne soupçonnais pas. Je hasarde. Tu crois qu'on les a tués pour voler le magot qu'ils avaient découvert? C'est pas. Je crois qu'ils auraient été sur leur garde, et puis, ce n'étaient pas des débutants. Agapian fait son entrée dans le bar et cherche Sanchez des yeux. Jean-Claude, ils emmènent les corps à l'IML de la Timone. Tu vas avec eux? Sanchez ferme les yeux pour stopper la montée d'un sanglot. Non. Je préférais que tu viennes avec moi pour annoncer la mauvaise nouvelle à leur femme. Tout seul, je ne me sens pas. Avant qu'il ne s'en aille, je lui annonce que l'enquête a été confiée à Serge. C'est un mec bien, dit Sanchez. J'ai confiance en lui. Nous nous retrouvons tous les quatre, Gigi, Paula, Marcel et moi. Chacun de nous réfléchit au drame que nous venons de découvrir. J'ai l'impression d'avoir cassé un jouet et d'en compter les morceaux, dépité et contrarié. Vraiment, je n'aurais pas pensé à un tel dénouement. Du coup, il est certain maintenant qu'il y a une affaire, mais franchement, j'aurais préféré avoir une hallucination et faire encore l'objet de sarcasme sur mon imagination débordante. Il va être trop difficile de trouver qui a pu assassiner ces deux gars, les indices étant apparemment très minces. « Si j'étais vraiment méchante, dit Gigi, je dirais que tu leur as porté la scoumoun. Mais comme je suis gentil, je reconnais qu'encore une fois, tu ne t'étais pas trompé. »« Bah si, justement, je me suis trompé, parce que les choses ne se passent pas du tout comme je l'avais prévu. Je croyais que c'était des ruffians, alors que ce sont des victimes, et qu'en réalité leur activité était tout ce qu'il y avait de plus inoffensif. »« À force de voir le mal partout, on finit toujours par l'attirer, » me lance Paula, avec une certaine amertume dans le ton. « Épan, premier coup bas de la belle-mère. Tous ces mots en si peu de temps lui tournent au boule un peu les nerfs. Mais par ailleurs, elle est tellement belle qu'il faudra qu'il en fasse beaucoup pour que je l'en veuille. Avant que l'épicerie droguerie et articles de pêche quincaillerie ne ferme, je fronce m'y acheter une brosse à dents, une serviette et un peigne pour la nuit. Demain, j'irai chercher mon linge de rechange à l'estac.